Station mission to the bottom of a swimming pool. Watch radio waves drown. Transistors, capacitors, integrated circuits, etc., and send one out to each of your listeners. Number 16, go as fast as the technology you are using. Carry your words to your listeners by running. number 11. Keep all faders down and wait for a phone call. Number 11. Don't redo any technical repairs, regular cleanings, planning or shows, committee meetings, training sessions, etc. on the air. Search week, where all shows would not be found. Number 18. Find out how a radio broadcast is broken down by your government's regulatory body. Mimic that analysis on the air. どの力を使えば拒否できるの？そこから飛び。 あるのではなくて、インフレを考えることが重要で、 Number 8, have a traffic jam. Where stations in different cities broadcast each other as traffic reports instead of their own. Thank you. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Number 22. Make every receiver a transmitter. Number 21. Dispel the notion that anyone is listening to you. Thank you. Ran, give the wrong time, date, weather and news report. Change your broadcast ding frequency. Do any technical repairs, regular cleanings, planning or shows, committee meetings, training sessions, etc. on the air. Where stations in different cities broadcast each other as traffic reports instead of their own. d'une libre société, d'une libre culture. Allons-nous abandonner cet espoir pour un quelconque acte gratuit existentialiste ? Le propos n'est pas de changer la conscience, mais de changer le monde. J'accepte cette juste critique. Je ferai cependant deux commentaires. Premièrement, la révolution n'a jamais abouti à la réalisation de ce rêve. La vision naît au moment du soulèvement. Mais dès que la révolution triomphe et que l'État revient, le rêve et l'idéal sont déjà trahis. Je n'ai pas abandonné l'espoir ou même l'attente d'un changement, mais je me méfie du mot « révolution ». Deuxièmement, même si l'on remplace l'approche révolutionnaire par un concept d'insurrection s'épanouissant spontanément en culture anarchiste, notre situation historique particulière n'est pas propice à une si vaste entreprise. Un choc frontal avec l'état terminal, l'état de l'information méga-entrepreneuriale, l'empire du spectacle et de la simulation, ne produirait absolument rien, si ce n'est quelques martyrs futiles. Ces fusils sont tous pointés sur nous, et nos pauvres armes ne trouvent pour cible que l'hystérie, la vacuité rigide, un fantôme capable d'étouffer la moindre étincelle dans ses ectoplasmes, une société de capitulation réglée par l'image du flic et l'œil absorbant de l'écran de télé. Bref, nous ne cherchons pas à vendre la tasse comme une fin exclusive en soi, qui remplacerait toutes les autres formes d'organisation, de tactique ou d'objectif. Nous la recommandons parce qu'elle peut apporter une amélioration propre au soulèvement, sans nécessairement mener à la violence et au martyr. La TAZ, c'est comme une insurrection sans engagement, directe contre l'État, une opération de guérilla qui libère une zone de terrain, de temps, d'imagination, puis se dissout avant que l'État ne l'écrase, pour se reformer ailleurs, dans le temps ou l'espace. Puisque l'État est davantage concerné par la simulation que par la substance, la TAZ peut occuper ses zones clandestinement et poursuivre en paix relative ses objectifs festifs pendant quelque temps. Certaines petites TAZ ont pu durer des vies entières parce qu'elles passaient inaperçues, comme les enclaves rurales des Ibili du sud des États-Unis, parce qu'elles n'ont jamais croisé le champ du spectacle, qu'elles ne se sont jamais risquées hors de cette vie réelle qui reste invisible aux agents de la simulation. Babylone prend ses abstractions pour des réalités. La TAZ peut précisément exister dans cette marge d'erreur. Initier une TAZ peut impliquer des stratégies de violence et de défense, mais sa plus grande force réside dans son invisibilité. L'État ne peut pas la reconnaître parce que l'histoire n'en a pas de définition. Dès que la TAZ est nommée, représentée ou médiatisée, elle doit disparaître, elle va disparaître, laissant derrière elle une coquille vide pour ressurgir ailleurs, à nouveau invisible puisqu'indéfinissable dans les termes du spectacle. À l'heure de l'État omniprésent, tout puissant, et en même temps lézardé de fissures et de vides, la TAZ est une tactique parfaite. Six. Et parce qu'elle est un microcosme de ce rêve anarchiste, d'une culture libre, elle est, selon moi, la meilleure tactique pour atteindre cet objectif, tout en faisant l'expérience de certains de ses bénéfices ici et maintenant. En résumé, le réalisme veut non seulement que nous cessions d'attendre la révolution, mais aussi que nous cessions de tendre vers elle, de la vouloir. Soulèvement, oui, aussi souvent que possible, et même au risque de la violence. Le spasme de l'État simulé serait spectaculaire, mais dans la plupart des cas, la meilleure et la plus radicale des tactiques sera de refuser l'engagement dans une violence spectaculaire. 3. Eight. 6. 6. Bonjour, Monsieur Saxe. Je me permets de vous écrire sur votre email privé saxe@binode.org. Mon nom est Monsieur Chukai Lee, auditeur en chef de la Banque de Chine. Je cherche un gestionnaire partenaire en investissement qui travaillera avec moi pour une fusion. Contactez-moi sur mon email privé pour plus de détails. Email Chukai Lee 123 @gmail.com. Ou rendez-vous sur notre site internet pour de plus amples détails dans l'espace qui vous est réservé en cliquant ici. J'attends de tes nouvelles. Je vous remercie, Monsieur Chukai Lee. Meilleures salutations. Number 3, do any technical repairs, regular cleanings, planning or shows, committee meetings, training sessions, etc. on the air. Thank you. l'un vers l'autre. L'un vers l'autre.